Chapitre 5e, Château de la Roque, 1er mai. J'ai quitté Paris hier. Ma dernière entrevue avec M. Lobépin a été pénible. J'ai voué à ce vieillard les sentiments d'un fils. Il a fallu ensuite dire adieu à Hélène, pour lui faire comprendre la nécessité où je me trouve d'accepter un emploi. Il était indispensable de lui laisser entrevoir une partie de la vérité. J'ai parlé de quelques embarras de fortune passagers. La pauvre enfant en a compris, je crois, plus que je n'en disais. Ses grands yeux étonnés se sont remplis de larmes et elle m'a sauté au cou. Enfin, je suis parti. Le chemin de fer m'a mené à Rennes, où j'ai passé la nuit. Ce matin, je suis monté dans une diligence qui devait me déposer 5 ou 6 heures plus tard, dans une petite ville de Morbihan, située à peu de distance du château de la Roque. J'ai fait une dizaine de lieues au-delà de Rennes, sans parvenir à me rendre compte de la réputation pittoresque dont jouit dans le monde la vieille Armorique. Un pays plat, vert et monotone, d'éternels pommiers dans d'éternelles prairies, des fossés et des talus boisés bordant la vue des deux côtés de la route, tout au plus quelques petits coins d'une grâce champêtre, des blouses et des chapeaux cirés pour animer ces tables vulgaires. Tout cela me donnait fortement à penser depuis la veille que la poétique Bretagne n'était qu'une sœur prétentieuse et même un peu maigre de la basse Normandie. Fatigué de déception et de pommiers, j'avais cessé depuis une heure d'accorder la moindre attention au paysage, et je sommeillais tristement, quand il m'a semblé tout à coup m'apercevoir que notre lourde voiture penchait en avant plus que de raison. En même temps, l'allure des chevaux se ralentissait sensiblement, et un bruit de ferraille, accompagné d'un frottement particulier, m'annonçait que le dernier des conducteurs venait d'appliquer le dernier des sabots à la roue de la dernière diligence. Une vieille dame qui était assise près de moi m'a saisi le bras avec cette vive sympathie que fait naître la communauté du danger. J'ai mis la tête à la portière. Nous descendions, entre deux talus élevés, une côte extrêmement raide, conception d'un ingénieur véritablement trop ami de la ligne droite. Moitié glissant, moitié roulant, nous n'avons pas tardé à nous trouver dans un étroit ballon d'un aspect sinistre, au fond duquel un chétif ruisseau coulait péniblement et sans bruit entre d'épais roseaux. Sur ses rives écroulées se tordaient quelques vieux troncs couverts de mousse. La route traversait ce ruisseau sur un pont d'une seule arche, puis elle remontait la pente opposée, en traçant un sillon blanc à travers une lande immense, aride et absolument nue, dont le sommet coupait le ciel vigoureusement en face de nous. Près du pont et au bord du chemin s'élevait une masure solitaire dont l'air de profond abandon serrait le cœur. Un homme jeune et robuste était occupé à fendre du bois devant la porte. Un cordon noir retenait par derrière ses longs cheveux d'un blond pâle. Il a levé la tête et j'étais surpris du caractère étranger de ses traits, du regard calme de ses yeux bleus. Il m'a salué dans une langue inconnue d'un accent bref, doux et sauvage. À la fenêtre de la chaumière se tenait une femme qui filait. Sa coiffure et la coupe de ses vêtements reproduisaient avec une exactitude théâtrale l'image de ces grêles châtelaines de pierre qu'on voit couchées sur les tombeaux. Ces gens n'avaient point la mine de paysans. Ils avaient au plus haut degré cette apparence aisée, gracieuse et grave qu'on nomme l'air distingué. Leur physionomie portait cette expression triste et rêveuse que j'ai souvent remarquée avec émotion chez les peuples dont la nationalité est perdue. J'avais mis pied à terre pour monter la côte. La lande, que rien ne séparait de la route, s'étendait tout autour de moi à perte de vue. Partout, de maigres ajoncs rampant sur une terre noire. Çà et là des ravines, des crevasses, des carrières abandonnées, quelques rochers affleurant le sol, pas un arbre. Seulement, quand je suis arrivé sur le plateau, j'ai vu à ma droite la ligne sombre de la lande découpée dans l'extrême lointain, une bande d'horizon plus lointaine encore, légèrement dentelée, bleu comme la mer, inondé de soleil, et qui semblait ouvrir au milieu de ce site désolé la soudaine perspective de quelques régions radieuses et féeriques. C'était enfin la Bretagne. J'ai dû fretter un voiturin dans la petite ville de X pour faire les 2 lieues qui me séparaient encore du terme de mon voyage. Pendant le trajet, qui n'a pas été des plus rapides, je me souviens confusément d'avoir vu passer sous mes yeux des bois, des clairières, des lacs, des oasis de fraîche verdure cachées dans les vallons. Mais en m'approchant du château de la Roque, je me sentais assailli par 1000 pensées pénibles qui laissaient peu de place aux préoccupations du touriste. Encore quelques instants, j'allais entrer dans une famille inconnue, sur le pied d'une sorte de domesticité déguisée, avec un titre qui m'assurait à peine les égards et le respect des valets de la maison. Ceci était nouveau pour moi. Au moment même où M. Lobépin m'avait proposé cet emploi d'intendant, tous mes instincts, toutes mes habitudes, s'étaient insurgés violemment contre le caractère de dépendance particulière attaché à de telles fonctions. J'avais cru néanmoins qu'il m'était impossible de les refuser, sans paraître infliger aux démarches empressées de mon vieil ami, en ma faveur, une sorte de blâme décourageant. De plus, je ne pouvais espérer d'obtenir avant plusieurs années, dans des fonctions plus indépendantes, les avantages qui m'étaient faits ici dès le début, et qui allaient me permettre de travailler sans retard à l'avenir de ma sœur. J'avais donc vaincu mes répugnances, mais elles avaient été bien vives, et elles se réveillaient avec plus de force en face de l'imminente réalité. J'ai eu besoin de relire dans le code que tout homme porte en soi les chapitres du devoir et du sacrifice. En même temps, je me répétais qu'il n'est pas de situation si humble où la dignité personnelle ne se puisse soutenir et qu'elle ne puisse relever. Puis, je me traçais un plan de conduite vis-à-vis des membres de la famille Larocque, me promettant de témoigner pour leurs intérêts un zèle consciencieux, pour leur personne une juste déférence, également éloignée de la servitude et de la raideur. Mais je ne pouvais me dissimuler que cette dernière partie de ma tâche, la plus délicate sans contredit, devait être simplifiée ou compliquée singulièrement par la nature spéciale des caractères et des esprits avec lesquels j'allais me trouver en contact. Or, M. Lobépin, tout en reconnaissant ce que ma sollicitude sur l'article personnel avait de légitime, s'était montré obstinément avare de renseignements et de détails à ce sujet. Toutefois, à l'heure du départ, il m'avait remis une note confidentielle en me recommandant de la jeter au feu dès que j'en aurais fait mon profit. J'ai tiré cette note de mon portefeuille et je me suis mis à en étudier les termes sibyllins que je reproduis ici exactement. Château de Larocque d'Arts. État des personnes qui habitent le dit château. Premièrement, M. Larocque, Louis-Auguste, octogénaire, chef actuel de la famille, source principale de la fortune. Ancien marin, célèbre sous le Premier Empire en qualité de corsaire autorisé. Paraît s'être enrichi sur mer par des entreprises illégales de diverses natures. A longtemps habité les colonies. Originaire de Bretagne, il est revenu s'y fixer, il y a une trentaine d'années, en compagnie de feu Pierre-Antoine Larocque, son fils unique, époux d'eux. Deuxièmement, Madame Larocque, Joséphine Clara, belle-fille du sous-nommé, créole d'origine, âgée de 40 ans, caractère indolent, esprit romanesque, quelques manies, belle âme. Troisièmement, Mademoiselle Larocque, Marguerite Louise, petite fille, fille et présomptive héritière des précédents, âgée de 20 ans, créole et bretonne, quelques chimères, belle âme. Quatrièmement, Madame Aubry, veuve du sieur Aubry, agent de change, décédée en Belgique, cousine au deuxième degré recueillie dans la maison, esprit aigri. Cinquièmement, Mademoiselle Éloin, Caroline Gabriel, 26 ans, ci-devant institutrice, aujourd'hui demoiselle de compagnie, esprit cultivé, caractère douteux, brûlé. Ce document, malgré la réserve qui le caractérisait, ne m'a pas été inutile. J'ai senti se dissiper, avec l'horreur de l'inconnu, une partie de mes appréhensions. D'ailleurs, s'il y avait, comme le prétendait M. Lobépin, de belles âmes dans le château de Larocque, c'était assurément plus qu'on avait droit d'espérer sur une proportion de 5 habitants. Après 2 heures de marche, le voiturier s'est arrêté devant une grille flanquée de 2 pavillons qui servent de logement à un concierge. J'ai laissé là mon gros bagage et je me suis acheminé vers le château, tenant d'une main mon sac de nuit et décapitant de l'autre, à coups de canne, les marguerites qui perçaient le gazon. Après avoir fait quelques centaines de pas entre 2 rangs d'énormes châtaigniers, je me suis trouvé dans un vaste jardin de disposition circulaire qui paraît se transformer en parc un peu plus loin. J'apercevais, à droite et à gauche, de profondes perspectives ouvertes entre d'épais massifs déjà verdoyants, des pièces d'eau fuyant sous les arbres et des barques blanches remisées sous des toits rustiques. En face de moi s'élevait le château, construction considérable, dans le goût élégant et à demi-italien des premières années de Louis XIII. Il est précédé d'une terrasse qui forme, au pied d'un double perron et sous les hautes fenêtres de la façade, une sorte de jardin particulier auquel on accède par plusieurs escaliers larges et bas. L'aspect riant et fastueux de cette demeure m'a causé un véritable désappointement, qui n'a pas diminué lorsqu'en approchant de la terrasse, j'ai entendu un bruit de voix jeune et joyeuse qui se détachait sur le bourdonnement plus lointain d'un piano. J'entrais décidément dans un lieu de plaisance, bien différent du vieux et sévère donjon que j'avais aimé à me figurer. Toutefois, ce n'était plus l'heure des réflexions. J'ai gravi lestement les degrés, et je me suis trouvé tout à coup en face d'une scène qu'en toute autre circonstance, j'aurais jugée assez gracieuse. Sur une des pelouses du parterre, une demi-douzaine de jeunes filles, enlacées deux à deux et se riant au nez, tourbillonnaient dans un rayon de soleil, tandis qu'un piano, touché par une main savante, leur envoyait, à travers une fenêtre ouverte, les mesures d'une valse impétueuse. J'ai eu du reste à peine le temps d'entrevoir les visages animés des danseuses, les cheveux dénoués, les larges chapeaux flottant sur les épaules. Ma brusque apparition a été saluée par un cri général, suivi aussitôt d'un silence profond. Les danses avaient cessé, et toute la bande, rangée en bataille, attendait gravement le passage de l'étranger. L'étranger, cependant, s'était arrêté, non sans laisser voir un peu d'embarras. Quoique ma pensée n'appartienne guère depuis quelque temps aux prétentions mondaines, j'avoue que j'aurais en ce moment fait bon marché de mon sac de nuit. Il a fallu en prendre mon parti. Comme je m'avançais, mon chapeau à la main, vers le double escalier qui donne accès dans le vestibule du château, le piano s'est interrompu tout à coup. J'ai vu se présenter d'abord à la fenêtre ouverte un énorme chien de l'espèce des Terre-Neuves, qui a posé sur la barre d'appui son mufle léonin entre ses deux pattes velues. Puis, l'instant d'après, apparut une jeune fille d'une taille élevée, dont le visage un peu brun et la physionomie sérieuse étaient encadrés dans une masse épaisse de cheveux noirs et lustrés. Ses yeux, qui m'ont semblé d'une dimension extraordinaire, ont interrogé avec une curiosité nonchalante la scène qui se passait au dehors. « Eh bien, qu'y a-t-il donc ? » a-t-elle dit d'une voix tranquille. Je lui adressai une profonde inclination, et maudissant une fois de plus mon sac de nuit, qui amusait visiblement ces demoiselles, je me suis hâté de franchir le perron. Un domestique à cheveux gris, vêtu de noir, que j'ai trouvé dans le vestibule, a pris mon nom. J'étais introduit quelques minutes plus tard, dans un vaste salon tendu de soie jaune, où j'ai reconnu d'abord la jeune personne que je venais de voir à la fenêtre, et qui était définitivement d'une extrême beauté. Près de la cheminée, où flamboyait une véritable fournaise, une dame d'un âge moyen, et dont les traits accusaient fortement le type créole, se tenait ensevelie dans un grand fauteuil compliqué d'édredons, de coussins et de coussinets de toutes proportions. Un trépied de forme antique, que surmontait un brasero allumé, était placé à sa portée et l'en approchait par intervalles ses mains grêles et pâles. À côté de Madame Larocque était assise une dame qui tricotait. À sa mine morose et disgracieuse, je n'ai pu méconnaître la cousine au deuxième degré, veuve de l'agent de change décédé en Belgique. Le premier regard qu'a jeté sur moi Madame Larocque m'a paru empreint d'une surprise touchante à la stupeur. Elle m'a fait répéter mon nom. « Pardon, monsieur ?»« Odio, madame. » »« Maxime Odio, le gérant, le régisseur que monsieur Lobépin ?»« Oui, madame. » »« Vous en êtes bien sûr. » Je n'ai pu m'empêcher de sourire. « Mais oui, madame, parfaitement. » Elle a jeté un coup d'œil rapide sur la veuve de l'agent de change, puis sur la jeune fille au front sévère, comme pour leur dire « Concevez-vous cela ?» Après quoi, elle s'est agitée légèrement dans ses coussinets et a repris « Enfin, veuillez vous asseoir, monsieur Odio. Je vous remercie beaucoup, monsieur, de vouloir bien nous consacrer vos talents. Nous avons grand besoin de votre aide, je vous assure, car enfin nous avons, on ne peut le nier, le malheur d'être fort riche. » S'apercevant qu'à ces mots la cousine au deuxième degré levait les épaules, « Oui, ma chère madame Aubry, » a poursuivi madame Larocque, « j'y tiens. En me faisant riche, le bon Dieu a voulu m'éprouver. J'étais né positivement pour la pauvreté, pour les privations, pour le dévouement et pour le sacrifice. Mais j'ai toujours été contrarié. Par exemple, j'aurais aimé avoir un mari infirme. Eh bien, monsieur Larocque est un homme d'une admirable santé. Voilà comment ma destinée a été et sera manquée d'un bout à l'autre. « Laissez donc, » a dit sèchement madame Aubry, « la pauvreté vous irait bien à vous, qui ne savez vous refuser aucune douceur, aucun raffinement. » « Permettez, chère madame, » a repris madame Larocque, « je n'ai aucun goût pour les dévouements inutiles. Quand je me condamnerai aux privations les plus dures, à qui ou à quoi cela profiterait-il? Quand je jalerai du matin au soir, en seriez-vous plus heureuse ?» Madame Aubry a fait entendre d'un geste expressif qu'elle n'en serait pas plus heureuse, mais qu'elle considérait le langage de madame Larocque comme prodigieusement affecté et ridicule. « Enfin, » a continué celle-ci, « heure ou malheur, peu importe. Nous sommes donc très riches, monsieur Odiot. Et si peu de cas que je fasse moi-même de cette fortune, mon devoir est de la conserver pour ma fille, quoique la pauvre enfant ne s'en soucie pas plus que moi, n'est-ce pas, Marguerite ?» À cette question, un faible sourire a entrouvert les lèvres dédaigneuses de mademoiselle Marguerite, et l'arc allongé de ses sourcils s'est tendu légèrement, après quoi cette physionomie grave et superbe est rentrée dans leur peau. « Monsieur, » a repris madame Larocque, « on va vous montrer le logement que nous vous avons destiné, sur le désir formel de monsieur Lobépin. Mais auparavant, permettez qu'on vous conduise chez mon beau-père, qui sera bien aise de vous voir. Voulez-vous sonner, ma chère cousine? J'espère, monsieur Odiot, que vous nous ferez le plaisir de dîner aujourd'hui avec nous. Bonjour, monsieur, à bientôt. » On m'a confié aux soins d'un domestique qui m'a prié d'attendre, dans une pièce contiguë à celle d'où je sortais, qui lui prit les ordres de monsieur Larocque. Cet homme avait laissé la porte du salon entr'ouverte, et il m'a été impossible de ne pas entendre ces paroles prononcées par madame Larocque sur le ton de bonhomie un peu ironique qui lui est habituel. « Ah ça, comprend-on Lobépin, qu'on m'annonce un garçon d'un certain âge, très simple, très mûr, et qu'on m'envoie un monsieur comme ça ?» Mademoiselle Marguerite a murmuré quelques mots qui m'ont échappé, à mon vif regret, je l'avoue, et auxquels sa mère a répondu aussitôt « Je ne dis pas le contraire, ma fille. » Mais cela n'en est pas moins parfaitement ridicule de la part de Lobépin. Comment veux-tu qu'un monsieur comme ça s'en aille trotter en sabots dans les terres labourées? Je parie que jamais il n'a mis de sabots, cet homme-là. Il ne sait même pas ce que c'est que des sabots. Eh bien, c'est peut-être un tort que j'ai, ma fille, mais je ne peux pas me figurer un bon intendant sans sabots. Dis-moi, Marguerite, j'y pense, si tu l'accompagnais chez ton grand-père. » Mademoiselle Marguerite est entrée presque aussitôt dans la pièce où je me trouvais. En m'apercevant, elle a paru peu satisfaite. « Pardon, mademoiselle, mais ce domestique m'a dit de l'attendre ici. Veuillez me suivre, monsieur. » Je l'ai suivie. Elle m'a fait monter un escalier, traversé plusieurs corridors, et m'a introduit enfin dans une espèce de galerie où elle m'a laissé. Je me suis mis à examiner quelques tableaux suspendus au mur. Ces peintures étaient pour la plupart des marines fort médiocres, consacrées à la gloire de l'ancien corsaire de l'Empire. Il y avait plusieurs combats de mer un peu enfumés, dans lesquels il était évident toutefois que le petit brick l'aimable, capitaine Larocque, 26 canons, causait à John Bull les plus sensibles désagréments. Puis venaient quelques portraits en pied du capitaine Larocque, qui naturellement ont attiré mon attention spéciale. Ils représentaient tous, sauf de légères variantes, un homme d'une taille gigantesque, portant une sorte d'uniforme républicain à grands parements, chevelu comme Kléber, et poussant droit devant lui un regard énergique, ardent et sombre, au total, une espèce d'homme qui n'avait rien de plaisant. Comme j'étudiais curieusement cette grande figure qui réalisait à merveille l'idée qu'on se fait en général d'un corsaire, et même d'un pirate, mademoiselle Marguerite m'a prié d'entrer. Je me suis trouvé alors en face d'un vieillard maigre et décrépit, dont les yeux conservaient à peine l'étincelle vitale, et qui, pour me faire accueil, a touché d'une main tremblante le bonnet de soie noire qui couvrait son crâne luisant comme l'ivoire. « Grand-père, » a dit mademoiselle Marguerite en élevant la voix, « c'est monsieur Odiot. » Le pauvre vieux corsaire s'est un peu soulevé sur son fauteuil en me regardant avec une expression terne et indécise. Je me suis assis sur un signe de mademoiselle Marguerite qui a répété « Monsieur Odiot, le nouvel intendant, mon père. »« Ah, bonjour, monsieur, » a murmuré le vieillard. Une pause du plus pénible silence a suivi. Le capitaine Larocque, le corps courbé en deux et la tête pendante, continua à fixer sur moi son regard effaré. Enfin, paraissant tout à coup rencontrer un sujet d'entretien d'un intérêt capital, il m'a dit d'une voix sourde et profonde « Monsieur de Beauchesne est mort. » À cette communication inattendue, je n'ai pu trouver aucune réponse. J'ignorais absolument qui pouvait être ce monsieur de Beauchesne, et mademoiselle Marguerite, ne se donnant pas la peine de me l'apprendre, je me suis borné à témoigner, par une faible exclamation de condoléance, de la part que je prenais à ce malheureux événement. Ce n'était pas assez apparemment au gré du vieux capitaine, car il reprit, le moment d'après, du même ton lugubre, « Monsieur de Beauchesne est mort. » Mon embarras a redoublé en face de cette insistance. Je voyais le pied de Mademoiselle Marguerite battre le parquet avec impatience. Le désespoir m'a pris, et saisissant au hasard la première phrase qui m'est venue à l'esprit, « Ah, de quoi est-il mort ?» ai-je dit. Cette question ne m'était pas échappée qu'un regard courroucé de Mademoiselle Marguerite m'avertissait que j'étais suspect de je ne sais quelle irrévérence railleuse. Bien que je ne me sentisse réellement coupable que d'une sotte gaucherie, je me suis empressé de donner à l'entretien un tour plus heureux. J'ai parlé des tableaux de la galerie, des grandes émotions qu'il devait rappeler au capitaine, de l'intérêt respectueux que j'éprouvais à contempler le héros de ces glorieuses pages. Je suis même entré dans le détail, et j'ai cité avec une certaine chaleur deux ou trois combats où le brique l'aimable m'avait paru véritablement accomplir des miracles. Pendant que je faisais preuve de cette courtoisie de bon goût, Mademoiselle Marguerite, à mon extrême surprise, continuait de me regarder avec mécontentement et un dépit manifeste. Son grand-père, cependant, me prêtait une oreille attentive. Je voyais sa tête se relever peu à peu. Un sourire étrange éclairait son visage décharné et semblait en effacer les rides. Tout à coup, saisissant des deux mains les bras de son fauteuil, il s'est redressé de toute sa taille. Une flamme guerrière a jailli de ses profondes orbites. Il s'est écrié d'une voix sonore qui m'a fait tressaillir. « La barre au vent! Tout au vent! Feu, bâbord! Accoste, accoste! Jetez les grappins! Vivement, nous le tenons! Feu, là-haut! Un bon coup de balai! Nettoyez son pont! À moi, maintenant! Ensemble! Suce à l'anglais! Au saxon maudit! Hurrah !» En poussant ce dernier cri, qui a râlé dans sa gorge, le vieillard, vainement soutenu par les mains pieuses de sa petite fille, est retombé comme écrasé dans son fauteuil. Mademoiselle Larocque m'a fait un signe impérieux, et je suis sorti. J'ai retrouvé mon chemin comme j'ai pu à travers le dédale des corridors et des escaliers, me félicitant vivement de l'esprit d'à-propos que j'avais déployé dans mon entrevue avec le vieux capitaine de l'Aimable. Le domestique à cheveux gris qui m'avait reçu à mon arrivée, et qui se nomma Alain, m'attendait dans le vestibule pour me dire, de la part de Madame Larocque, que je n'avais plus le temps de visiter mon logement avant le dîner, que j'étais bien comme j'étais. Au moment même où j'entrais dans le salon, une société d'une vingtaine de personnes en sortait avec les cérémonies d'usage pour se rendre dans la salle à manger. C'était la première fois, depuis le changement de ma condition, que je me trouvais mêlé à une réunion mondaine. Habitué naguère aux petites distinctions que l'étiquette des salons accorde en général à la naissance et à la fortune, je n'ai pas reçu sans amertume les premiers témoignages de la négligence et du dédain auxquels me condamne inévitablement ma situation actuelle. Réprimant de mon mieux les révoltes de la fausse gloire, j'ai offert mon bras à une jeune fille de petite taille, mais bien faite et gracieuse, qui restait seule en arrière de tous les convives et qui était, comme je l'ai supposé, Mademoiselle Éloin, l'institutrice. Ma place était marquée à côté de la sienne. Pendant qu'on s'asseyait, Mademoiselle Marguerite est apparue comme Antigone, guidant la marche lente et traînante de son aïeul. Elle est venue s'asseoir à ma droite, avec cet air de tranquille majesté qui lui est propre, et le puissant Terre-Neuve, qui paraît être le gardien attitré de cette princesse, n'a pas manqué de se poster en sentinelle derrière sa chaise. J'ai cru devoir exprimer sans retard à ma voisine le regret que j'éprouvais d'avoir maladroitement provoqué des souvenirs qui semblaient agiter d'une manière fâcheuse l'esprit de son grand-père. « C'est à moi de m'excuser, monsieur, » a-t-elle répondu. « J'aurais dû vous prévenir qu'il ne faut jamais parler des Anglais devant mon père. Connaissiez-vous la Bretagne, monsieur ?» J'ai dit que je ne la connaissais pas avant ce jour, mais que j'étais parfaitement heureux de la connaître. Et pour prouver qu'en outre j'en étais digne, j'ai parlé sur le mode lyrique des beautés pittoresques qui m'avaient frappé pendant la route. À l'instant où je pensais que cette adroite flatterie me conciliait au plus haut degré la bienveillance de la jeune Bretonne, j'ai vu avec étonnement les symptômes de l'impatience et de l'ennui se peindre sur son front. J'étais décidément malheureux avec cette jeune fille. « Allons, je vois, monsieur, » a-t-elle dit avec une singulière expression d'ironie, « que vous aimez ce qui est beau. ce qui parle à l'imagination et à l'âme, la nature, la verdure, les bruyères, les pierres et les beaux-arts. Vous vous entendrez à merveille avec Mademoiselle Éloin, qui adore également toutes ces choses, lesquelles, pour mon compte, je n'aime guère. Mais, au nom du ciel, qu'est-ce que donc vous aimez, mademoiselle ? À cette question que je lui adressais sur le ton d'un aimable enjouement, Mademoiselle Marguerite s'est brusquement tournée vers moi, m'a lancé un regard hautain et m'a répondu sèchement « J'aime mon chien. Ici, Mervyn. » Puis, elle a plongé affectueusement sa main dans la profonde fourrure du Terre-Neuve, qui, maté sur ses pieds de derrière, allongeait déjà sa tête formidable entre mon assiette et celle de Mademoiselle Marguerite. Je n'ai pu m'empêcher d'observer avec un intérêt nouveau la physionomie de cette bizarre personne et d'y chercher les signes extérieurs de la sécheresse d'âme dont elle paraît faire profession. Mademoiselle Larocque, qui m'avait paru d'abord fort grande, ne doit cette apparence qu'au caractère ample et parfaitement harmonieux de sa beauté. Elle est en réalité d'une taille ordinaire. Son visage, d'un ovale un peu arrondi, et son cou, d'une pose exquise et fière, sont légèrement recouverts d'une teinte d'or sombre. Sa chevelure, qui marque sur son front un relief épais, jette à chaque mouvement de tête des reflets onduleux et bleuâtres. Les narines, délicate et mince, semble copiée sur le modèle divin d'une madone romaine et sculptée dans une nacre vivante. Au-dessous des yeux, larges, profonds et pensifs, le hâle doré des joues se nuance d'une sorte d'auréole plus brune qui semble une trace projetée par l'ombre des cils ou comme brûlée par le rayonnement ardent du regard. Je puis difficilement rendre la douceur souveraine du sourire qui, par intervalles, vient animer ce beau visage et tempérer par je ne sais quelle contraction gracieuse l'éclat de ses grands yeux. Certes, la déesse même de la poésie, du rêve et des mondes enchantés pourrait se présenter hardiment aux hommages des mortels sous la forme de cet enfant qui n'aime que son chien. La nature, dans ses productions les plus choisies, nous prépare souvent ces cruelles mystifications. Au surplus, il m'importe assez peu. Je sens que je suis destiné à jouer dans l'imagination de Mademoiselle Marguerite le rôle qui pourrait jouer un nègre, objet, comme on sait, d'une mince séduction pour les créoles. De mon côté, je me flatte d'être aussi fier que Mademoiselle Marguerite. Le plus impossible des amours pour moi serait celui qui m'exposerait aux soupçons d'intrigue et d'industrie. Je ne pense pas, au reste, avoir à m'armer d'une grande force morale contre un danger qui ne me paraît pas vraisemblable, car la beauté de Mademoiselle Larocque est de celle qu'appelle la pure contemplation de l'artiste plutôt qu'un sentiment d'une nature plus humaine et plus tendre. Cependant, sur le nom de Mervyn, que Mademoiselle Marguerite avait donné à son garde du corps, ma voisine de gauche, Mademoiselle Éloin, s'était lancée à pleine voile dans le cycle d'Arthur, et elle a bien voulu m'apprendre que Mervyn était le nom authentique de l'enchanteur célèbre que le vulgaire appelle Merlin. Des chevaliers de la table ronde, elle est remontée jusqu'au temps de César, et j'ai vu défiler devant moi, dans une procession un peu prolixe, toute la hiérarchie des druides, des bardes et des ovates, après quoi nous sommes tombés fatalement de menhir en dolmen et de galgal en cromlech. Pendant que je m'égarais dans les forêts celtiques sur les pas de Mademoiselle Éloin, à laquelle il ne manque un peu d'embonpoint pour être une druidesse fort passable, la veuve de l'agent de change, placée près de nous, faisait retentir les échos d'une plainte continue et monotone comme celle d'un aveugle. On avait oublié de lui donner un chauffe-pied. On lui servait du potage froid. On lui servait des eaux décharnées. Voilà comment on la traitait. Au reste, elle y était habituée. Il est triste d'être pauvre, bien triste. Elle voudrait être morte. « Oui, docteur. » Elle s'adressa à son voisin, qui semblait écouter ses doléances avec une affectation d'intérêt tant soit peu ironique. « Oui, docteur, ce n'est pas une plaisanterie, je voudrais être morte. »« Ce serait un grand débarras pour tout le monde, d'ailleurs. »« Songez donc, docteur, quand on a été dans ma position, quand on a mangé dans de l'argenterie à ses armes, être réduit à la charité et se voir le jouet des domestiques, on ne sait pas tout ce que je souffre dans cette maison, on ne le saura jamais. Quand on a de la fierté, on souffre sans se plaindre. Aussi, je me tais, docteur, mais je n'en pense pas moins. » « C'est cela, ma chère dame, » a dit le docteur, qui se nomme, je crois, Desmarais. « N'en parlons plus. buvez frais, cela vous calmera. Rien, rien ne me calmera, docteur, que la mort. Eh bien, madame, quand vous voudrez, a répliqué le docteur résolument. Dans une région plus centrale, l'attention des convives était accaparée par la verve insouciante, caustique et fanfaronne d'un personnage que j'ai entendu nommer M. de Bévalan, et qui paraît jouir ici des droits d'une intimité particulière. C'est un homme d'une grande taille, d'une jeunesse déjà mûre, et dont la tête rappelle assez fidèlement le type du roi François Ier. On l'écoute comme un oracle, et Mademoiselle Larocque elle-même lui accorde autant d'intérêt et d'admiration qu'elle paraît capable d'en concevoir pour quelque chose en ce monde. Pour moi, comme la plupart des saillies que j'entendais applaudir se rapportaient à des anecdotes locales et à des circonstances de clocher, je n'ai pu apprécier qu'incomplètement jusqu'ici le mérite de ce lion armoricain. J'ai eu toutefois me louer de sa courtoisie. Il m'a offert un cigare après le dîner et m'a emmené dans le boudoir où l'on fume. Il en faisait en même temps les honneurs à trois ou quatre jeunes gens à peine sortis de l'adolescence, qui le regardent évidemment comme un modèle de belle façon et d'exquis scélératesse. « Eh bien, Bévalan, a dit un de ces jeunes séides, vous ne renoncez donc pas à la prêtresse du soleil ?»« Jamais, a répondu M. de Bévalan. J'attendrai 10 mois, 10 ans s'il le faut, mais je l'aurai, ou personne ne l'aura. »« Vous n'êtes pas malheureux, vieux drôle. L'institutrice vous aidera à prendre patience. » « Dois-je vous couper la langue ou les oreilles, jeune Arthur ?» a repris à demi-voix M. de Bévalan en s'avançant vers son interlocuteur et en lui faisant d'un signe rapide remarquer ma présence. On a mis alors sur le tapis, dans un pêle-mêle charmant, tous les chevaux, tous les chiens et toutes les dames du canton. Il serait à désirer, par parenthèse, que les femmes puissent assister secrètement, une fois en leur vie, à une de ces conversations qui se tiennent entre hommes dans la première effusion qui suit un repas copieux. Elles y trouveraient la mesure exacte de la délicatesse de nos mœurs et de la confiance qu'elle doit leur inspirer. Au surplus, je ne me pique nullement de pruderie, mais l'entretien dont j'étais le témoin avait le tort grave, à mon avis, de dépasser les limites de la plaisanterie la plus libre. Il touchait à tout en passant, outrageait tout gaiement, et prenait un caractère très gratuit d'universelle profanation. Or, mon éducation, trop incomplète sans doute, m'a laissé dans le cœur un fond de respect qui me paraît devoir être réservé au milieu des plus vives expansions de la bonne humeur. Cependant, nous avons aujourd'hui en France notre jeune Amérique, qui n'est point contente si elle ne blasphème pas un peu après boire. Nous avons d'aimables petits bandits, espoirs de l'avenir, qui n'ont eu ni père ni mère, qui n'ont point de patrie, qui n'ont point de Dieu, mais qui paraissent être le produit brut de quelques machines sans entrailles et sans âme, qui les a déposées fortuitement sur ce globe pour en être le médiocre ornement. Bref, M. de Bévalan, qui ne craint point de s'instituer le professeur cynique de ses roues et sans barbe, ne m'a pas plu. Et je ne pense pas lui avoir plu davantage. J'ai prétexté un peu de fatigue et j'ai pris congé. Sur ma requête, le vieil Alain s'est armé d'une lanterne et m'a guidé à travers le parc vers le logis qui m'est destiné. Après quelques minutes de marche, nous avons traversé un pont de bois jeté sur une rivière et nous nous sommes trouvés devant une porte massive et ogivale qui est surmontée d'une espèce de beffroi et flanquée de 2 tourelles. C'est l'entrée de l'ancien château. Des chênes et des sapins séculaires forment autour de ce débris féodal une enceinte mystérieuse qui lui donne un air de profonde retraite. C'est dans cette ruine que je dois habiter. Mon appartement, composé de 3 chambres très proprement tendues de Perse, se prolonge au-dessus de la porte d'une tourelle à l'autre. Ce séjour mélancolique ne laisse pas de me plaire. Il convient à ma fortune. À peine délivré du vieil Alain, qui est d'humeur un peu conteuse, je me suis mis à écrire le récit de cette importante journée, m'interrompant par intervalles, pour écouter le murmure assez doux de la petite rivière qui coule sous mes fenêtres et le cri de la chouette légendaire qui célèbre dans les bois voisins ses tristes amours.